I set down these notes on paper. I'm obsessed by the thought that I may be the last living man on Earth. Salut et bienvenue à une autre édition de Subversion, celle du 14 octobre 2016. Je suis Sylvain Latour, alias DJ Tower of Death, avec vous jusqu'à 19h30, tu dis, je suis sur le Grand Québec Radio. Ben oui, ça me tentait de chanter du bon duck. Ok. Il y en a peut-être qui se souviennent de la dernière visite de notre ami Méo à la technique, hein, oui. Ouais, c'est lui qui m'avait joué le tour puis qui m'avait glissé ce 45 tours de Bon Duck. Un petit disque, comme dirait notre ami le Dr. Pendragon. Bref, je suis en train d'en oublier ce qu'on allait avoir dans l'émission. Ouais, on va reprendre une gorgée de café pour me remettre de ça. Bon. Vous savez, la semaine dernière, on avait focusé pas mal sur les albums anniversaires. On avait eu, on parlait de Slayer, en fait, My Dying Bride, Meshuga, Samael, qui ont tous eu 20, 25 et 30 ans. Mais cette semaine, ça va être tout le contraire. On va rester dans les années 2000 et beaucoup dans la nouveauté, sauf peut-être pour une pièce qu'on va entendre dans le prochain bloc, dans le premier bloc, en fait. Mais à part de ça, on va entendre des extraits de nouveautés qui sont sortis tout dernièrement, tout frais sortis du four de la part de Asphyx, de Meshuga, de Opeth, Suicidal Tendencies et Epica. Et puis pour le reste, on va revisiter ici là ce qui s'est passé dans les dernières années dans le merveilleux monde du métal. Alors, dans cette première séquence, on va entendre justement Asphyx. On va entendre aussi Barf, mais d'abord Rat Child America, un groupe de Baltimore qui s'était fondé à la fin des années 80 et qui avait signé sur Atlantic Records avec leur... leurs deux premiers albums. Et peut-être pour ceux des vieux de la vieille qui écoutaient Solid Rock dans le temps de Paul Sarrazin, là, fin 80, début 90, peut-être se souviennent d'eux. Ils passaient un de leurs vidéoclips, justement. Alors, allons écouter Rachel America avec Surrounded by Idiots, que je trouve qui s'apprête bien avec toute cette espèce de comédie burlesque que nous offrent les télés nationales avec les fameux débats Trump-Clinton. Bref, Surrounded by Idiots de Rachel America de 1991 à Subversion sur Underground Québec Radio. Clowns to the left of me. reality is, this is part of our tax code. The man's a genius. Yes, only a genius can lose $1 billion running a casino. Only a genius can lose $1 billion running a casino. Des roues, pièce qui ouvre de belle façon ce nouvel album pour Asphyx, Incoming Death, qui a vu le jour le 30 septembre dernier sur Century Media. Un 9e album pour le groupe, et puis, oui, décidément, un Martin Van Drunen en grande forme, du moins au micro, sur cet extrait, sur cet album. On s'imaginait pas dans le temps de Consuming Impulse, de Pestilence, ou encore les premiers Asphyx, qu'on entendrait beaucoup plus tard, à 50 ans, sonner encore comme ça, sonner quasiment pareil, en fait, tout dépendant des types de production, mais c'est quand même cool, puis bon, sûrement que vous l'avez entendu aussi dans d'autres collaborations, comme Hell of Bullets, Grand Supreme Blood Court peut-être, ou encore ComCon à l'époque. Bref, c'est sûrement quelqu'un qui s'ennuie pas du tout. Et parlant de l'album Incoming Death, notre ami Sinistros, oui, Guillaume Gagnon et son blog hurlemort.com, et il a donné la note de 8,5 sur 10 pour cet album, qu'il considère comme vraiment à la hauteur des attentes. Et il mentionne que le son d'Asphyx est toujours présent avec son Dead Doom particulier, avec le son de la bosse HM2 qui se fait grandement sentir. Et le mot d'ordre est encore le riff que le groupe maîtrise une fois de plus. Alors, album à la hauteur des attentes, vraiment. Et puis, ouais, avant Asphyx, on avait eu Barf avec Leader, une des bonnes pièces de l'album Brûle, Consume, Torture de 2014. Pourquoi j'ai choisi cette pièce-là, c'est que j'ai été captivé particulièrement par ce vidéo playthrough de basse que notre ami Dominique Forest-Lapointe a fait circuler dernièrement. Et justement, aussi pour faire une démonstration de cette nouvelle basse, je pense que c'est Marc Chicoine, si je me trompe pas. J'espère de pas me tromper. Bref, vraiment un bel instrument. Et je sais pas si vous êtes comme moi, mais même des fois quand je file un mood crush, je me mets à écouter ça, puis je suis comme vraiment inspiré, captivé d'un bout à l'autre. Non seulement par la composition de cette pièce-là en particulier, mais le playing de ce gars-là, vraiment un artiste jusqu'au bout des doigts, décidément. Vraiment inspiré de voir jouer Forest. Et ben d'ailleurs, on va pouvoir le voir revoir sur scène avec le groupe. Hein? Barf qui seront sur scène au Club Soda le 29 octobre prochain dans le cadre de leur 30e anniversaire avec leurs invités Anonymous, Overbase et Arsenic 33. Et il y aura aussi des invités spéciaux, une exposition sur le courant alternatif des années 90 par le musée du rock'n'roll ainsi que Mike Ward à l'animation. Oui, le band qui a passé aussi dernièrement au show de Mike Ward. Alors, à ne pas manquer cette belle soirée. Ce sera sans doute une belle soirée avec bien du monde et sûrement bien le fun. Début de bloc, on avait eu Rothschild America, les Américains, avec Surrounded by Idiots, pièce de consistance et de circonstance sur cet album 3D Man de 1991, après lequel ils ont été abandonnés par leur étiquette Atlantic. Justement en 92, c'est alors qu'ils ont changé le nom pour s'appeler Souls at Zero. Et puis, ils n'ont pas vraiment eu beaucoup plus de succès avec deux autres albums avec lesquels ils ont essayé de se mouler à ce qui était le trend, si on veut, à l'époque, ou ce qui était en vogue, l'espèce de groove metal un peu à la Pantera sur les bords. Dommage, puisque c'est quand même des musiciens aguerris qui étaient dans ce groupe de Baltimore. Alors, c'est ça. Oui, il est donc bien du bruit dans mon micro, encore une fois. Bon, 6h54, vous êtes toujours à l'écoute de Subversion sur Underground Québec Radio. Et en prochain bloc, on aura une nouveauté, en fait une pièce, une belle pièce de Opeth. On va entendre aussi Madder Mortem, un groupe norvégien que j'aime bien. Mais d'abord, Meshuga, qui nous reviennent avec un nouvel album. Vous avez sans doute vu ça passer sur le web. Je pense que j'ai jamais vu autant d'entrevues avec Thomas Sacke que... en même temps, un peu partout qu'en ce moment. Sans doute pour faire la promotion, bien entendu, de ce nouvel album de Violent Sleep of Reason, qui semble faire l'unanimité. Hein. C'est un album qui a accroché ses... qui a captivé vraiment ses auditeurs jusqu'à maintenant. Après une ou deux écoutes fragmentaires, je dirais que j'ai été quand même assez étonné de certains de leurs arrangements. Apparemment qu'ils ont décidé d'enregistrer ça live en studio, entre guillemets, plus ou moins. Donc, ont changé leur façon de faire. Et semble-t-il que c'était la première fois qu'ils faisaient ça après 20-25 ans. Puis, il y avait toujours eu le facteur temps qui les empêchait de faire ça. Alors, cette fois, ils ont vraiment pris le temps de le faire. Et puis, c'est ça. C'est parce qu'ils considèrent qu'en fait, que justement, Thomas mentionnait que dans les années 80 et 90, il y a des albums qui ont été enregistrés de cette façon, dont ils aimaient bien la nature, tout le côté... cru, non pas vraiment imparfait, mais le côté live qu'ils tentaient justement de capturer eux-mêmes. Alors cette fois-ci, ils se sont payés la traite avec cet album de cette manière-là. Et puis ça a été enregistré au POC Studio, en quelque part au Danemark, là, justement avec Tue Madsen, qui est propriétaire du Hand Farm Studio. justement au Danemark. Et Sotsu Madsen a déjà été batteur dans un band du Danemark, je me souviens à l'époque, qui s'appelait Disexalt. Et c'était le band des deux gars qui faisaient le magazine Blackthorn à l'époque, un des bons fanzines européens qui circulait dans le temps du tape trading. Et ce gars-là avait travaillé aussi avec Artillery Aborted et At the Gates. Donc, je pense qu'on fait ça dans des bonnes conditions et entouré d'une bonne équipe. Alors, trêve de blabla et allons-y avec un autre extrait pour vous donner une idée de ce qu'a l'air cet album. Si vous n'avez pas entendu encore de Violent Sleep of Reason, on écoute Monstrosity de Meshuga à Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back.

Nous avons entendu, bien sûr, Opeth avec un autre extrait de ce nouvel album Sorceress. La pièce étant Chrysalis. Oui, vraiment une des pièces les plus consistantes, je dirais, de ce nouvel album Sorceress. Un album qui est, comme disait le Rockmaster Alain Lefebvre à la dernière émission de Rock Classique sur C'est Fou, dans sa revue de l'album, mentionné que c'est un album qui, évidemment, je suis bien d'accord avec lui, qui est pas facile d'approche. Premières écoutes, c'est un ce qu'on appelle un grower. C'est un album qui va demander vraiment beaucoup plus d'attention pour vraiment en apprécier tous les paramètres, si on veut. On est encore dans l'exploration. Pour certaines oreilles, on se demande où est-ce que Michael Akerfeld et compagnie s'en vont avec ça. Moi, j'ai apprécié la première écoute de l'album. Je peux pas en faire un résumé juste, parce que définitivement, c'est ce que j'ai eu l'impression que c'était cet album-là. C'est quelque chose qu'il faut vraiment prêter attention. Et pour sa part, notre ami Guillaume Gagnon, sur le blog Hurlemort, lui a donné une cote de 6,5. Il mentionne qu'avec Sorceress, il s'attendait à quelque chose d'un peu plus musclé, mais pas vraiment, puisque Akerfeld s'est encore lancé dans un album de rock progressif, c'est l'année 70, avec une production actuelle. L'album contient des bons éléments en soi, mais Opeth a définitivement perdu, selon lui, son originalité et sa fougue. J'aime bien le rock progressif des années 70, mais je vais m'en tenir aux originaux comme Gentle Giant. Alors, pas besoin de clones pour nous rappeler cette belle époque. En tout cas, pour ce qui est de la fougue, je suis un peu d'accord avec lui, puisque, bon, il y a quelques pièces vraiment qui sont un peu dans le l'optique, si on veut, là, de la nature de cet extrait qu'on vient d'entendre. J'aurais aimé moi-même qu'il y en ait un peu plus de ça, mais il y a beaucoup de ponts musicaux, hein, beaucoup d'interludes, de moments plus doux sur l'album aussi. Mais la qualité musicale est vraiment là. Faut savoir vraiment s'arrêter pour l'apprécier. Je pense que c'est très appréciable, mais définitivement, il va falloir prêter plus attention pour vraiment avoir une juste opinion, si on veut, de l'album. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à Opeth également? Non, c'est pas mal ça. Ouais. Avant ça, on avait eu Mander Mortem. Oui, c'est norvégien, un autre groupe norvégien qui a passé inaperçu. Il y a beaucoup de groupes en Norvège qui sont vraiment originaux, mais qui n'ont pas fait partie de cette grande vague là, de black metal et compagnie que toute la planète a consommé. Il y a eu des groupes comme Ramzed, justement, Head Control System, pour ne nommer que ceux-là. Et Mader Mortem, c'est un autre de ces groupes que tout le monde se... Ouais, c'est ça. J'avais même pensé faire une spéciale de groupes norvégiens qui sont passés sous le radar comme ça. Et Mader Mortem, c'est difficile de choisir une pièce qui va définir qu'est-ce qu'ils font exactement. C'est une question de mood aussi. Et puis, ils ont un petit côté un peu progressif qui peut les emmener d'un côté comme de l'autre. Alors, ils sont un peu imprévisibles et j'aime beaucoup, particulièrement dans cette pièce 10 Times Defeat de 2001 sur l'album All Flesh is Grass, la présence de la vocaliste, je me rappelle jamais son nom, puis c'est difficile à dire, Agnette Kirkvag. Oui, c'est une madame avec une voix avec du coffre, là. C'est une grosse madame, mais oui, c'est ça. C'est une grosse madame, définitivement. Et tout en chair et qui a du coffre, là. C'est une voix mélodique, mais c'est une voix beef et elle sait très bien s'en servir et de façon assez créative. Alors, c'est un des points forts de ce band qui gagne à être découvert. Parlant de découverte, ben, c'est ça. Ils sortiront un nouvel album à la fin du mois, qui s'intitulera Red in Tooth and Claw. Alors, j'ai bien hâte d'entendre ce que ça va donner dans leur cas. Et en début de bloc, on avait eu Barf. Non, on n'a pas eu Barf. Barf, c'était avant ça. C'était Meshuga. Avec un extrait de leur nouvel album de Violent Sleep of Reason, Monstrosity. Cet album paru le 7 octobre dernier sur Nuclear Blast. Bon, il est déjà, le temps file, il est déjà 7h22. On va y aller en pause publicitaire et je vous reviens avec trois autres groupes de musique. Bonjour, Juliette. Bonjour, Juliette. Tu peux voir que ça sent bon, mais pas mes gâteaux, c'est tout ce qu'il y a de mieux. C'est bon. Toi, mignonne, nous traite bien, et moi, je traite bien les miens. C'est une belle histoire de petits soins, parce que Dominionne nous traite bien. Es-tu bien? Oui, eh bien, je vous parle. Merci, Juliette. vous avez reconnu Juliette Huot, sans doute. Ouais, je vous parle des trois dernières formations qu'on va entendre à l'émission. Les Suédois de Spawn of Possession, aussi les Hollandais de Epica avec une nouvelle pièce de ce tout dernier album de Holographic Principle. Mais d'abord, Suicidal Tendencies qui nous reviennent en 2016 avec un album du nom de World Gone Mad qui, semble-t-il, va passer moins inaperçu que les derniers qui ont sorti depuis les années 2000. J'ai eu comme l'impression que des albums que dont personne parlait ou faisait mention. Et là, tout bonnement, parce que Dave Lombardo est dans la formation, je peux comprendre l'engouement, mais je comprends pas ceux qui ont mentionné que cet album-là était « wow » parce que le Dave avait amené sa touche, puis c'était ce World Gone Mad était tout simplement fantastique, mais pas du tout. Moi, j'ai pas partagé cette opinion-là. Au contraire, je trouve ça quasiment embarrassant d'écouter ça. Le trois quarts des tunes, c'est vraiment pas bon. Je suis désolé. Même qu'il y a, je dirais qu'il n'y a pas plus que deux, trois pièces que je présenterais à l'émission, honnêtement, dont celle que j'ai choisie, Happy Never After. Il y a quand même des bons moments sur l'album et il y a des bonnes intentions, mais il y a quelque chose qui lève pas, justement, comme disait notre ami Guillaume Gagnon sur le blog Hurlemort. Il a donné une cote de 7 sur 10, dis-je, pour l'album World Gone Mad. Pourtant, le premier extrait qu'on avait entendu, Clap Like Ozzy, ça semblait prometteur, même du côté de l'apport artistique, entre guillemets, de Dave Lombardo, ça semblait vraiment bien. J'attendais... j'avais hâte d'entendre cet album-là, honnêtement. Mais... grande déception pour ma part. Je trouve il y en a qui ont vraiment encensé l'album et puis moi je trouve pas du tout que la signature de Dave Lombardo est pas là pantoute. Il s'est juste comme moulé à cette espèce de d'étirement de sauce de galette là, comme Sinistros mentionne. C'est du réchauffé puis du remâché comme il mentionne. Mais point positif, en tout cas pour lui, il mentionne, j'ai aimé sa phrase, il a dit « World Gone Mad est de loin supérieur aux trois horreurs précédentes que Mike Muir avait osé présenter à ses fans. » Bon, vous en jugerez par vous-même. Alors, ben on va écouter quand même un extrait digne quand même de Suicidal Tendencies, cette pièce « Happy Never After ». Vous écoutez Subversion sur Underground Québec Radio. We'll be right back. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie de ce malade mental qu'est le Dr. Pendragon. Ben, ça peut m'arriver d'avoir certains écarts de conduite comportements étranges. Ne fais pas de moi un malade mental. Ben, écoute, t'es en train de lire le Père Gimbal, là, quand même. Ben, hey, franchement, je suis en train de te lire en plus, puis t'es captivé autant que Those are the doors that lead to the end. But this can be severely ended. A sailor, so sorted, but to a gentleman wonder, this place in life. What's in that house of my design? Set his fingers as you're not for red of target. All humans have a soul. Never will know the soul. He's so unknown. Oh, I don't know you won't win. We'll be back up and overthrown. And to be a special one. Tied around and broken home. Let down search in the distance. All loose and swell. Only good is bad. Then I'm living in the evil. The unnecessary combat. The fool. Forgiven anesthesia. Service of our souls. We're so loving and evil. Service of our souls. We're so loving and evil. On vient de se faire rincer avec le bon death metal technique de Spawn of Possession. La pièce était Servitude of Souls de l'album Incurso, leur troisième de 2012. Album qui mettait en vedette, on pourrait dire en vedette, entre guillemets, l'excellent guitariste Christian Mosner. Avant ça, on avait eu Epica, les Hollandais, avec The Cosmic Algorithm, pièce qui figure sur ce nouvel album de Holographic Principle, paru le 30 septembre dernier. Et en début de bloc, Suicidal Tendencies avec Happy Never After de cet album World Gone Mad de 2016 que, bon, je vous dis pas d'éviter à tout prix, mais bon, décidément, ça ne figurera jamais parmi les essentiels de la discographie de Suicidal Tendencies. Ça passera pas à l'histoire, cet album-là, décidément. Donc, c'est tout pour nous cette semaine. Je vous remercie. Merci d'avoir été encore au rendez-vous. Merci à vous. Et bon, la semaine prochaine, j'ai pas d'idée de qu'est-ce qui s'en vient principalement. Je sais que dans deux semaines, nous aurons le Metal for Breakfast avec nos amis Wayne Archibald et Mike TMG en simultané cette fois. Oui, les trois ensemble, nous allons y aller de nos choix pour en ce qui concerne, en ce qui a trait à nos concerts mémorables respectifs là, dans nos mémoires. Collective, nos mémoires propres à nous. Et en chantier présentement, nous est venue l'idée aussi de faire soit un déjeuner ou un dîner, une rencontre avec notre ami Johnny Hart, ancien du magazine Metal K.O. et de Metal K.O. Productions, évidemment, pour justement un autre dans la série des qu'on pourrait dire des Metal for Breakfast ou des Metal for Coffee, whatever. Bref, et bien sûr, je vais travailler peut-être sur essayer de faire une espèce de couverture sur le... Mais ça reste à venir. Là, je suis en train de faire du brainstorming en ce moment, mais il faudrait bien que je contacte quelqu'un là, pour... sait-on jamais, on pourrait se promener avec un micro en coulisses pour les... pour le justement, la soirée du 30e de Barf, on fera essayer d'arranger quelque chose, ça pourrait être pas pire. Bref, spread the word pour Subversion, oui, partagez les pages Facebook, SoundCloud, et n'oubliez pas que Subversion a sa propre page web, son blog, sur wordpress.com, j'ai encore de la misère avec ça, je l'ai pas devant moi. Canadian Cyborg WordPress machin truc là, je suis pas capable de dire l'adresse, c'est en poche. Faites seulement aller sur la page Facebook et vous trouverez facilement le lien pour mener à la page WordPress de Subversion. Et là aussi, vous pourrez découvrir un lien qui vous mènera aux archives, c'est-à-dire vous pourrez redécouvrir des vieilles émissions de Subversion si vous vous ennuyez évidemment de Subversion durant la semaine. Alors, n'oubliez pas non plus d'écouter nos amis de Dr. Pendragon à Réanimation, réanimation.com et le Rockmaster Alain Lefebvre. Les podcasts sont toujours disponibles sur le rockclassique.net, de même que les playlists et tout ça. Et en tout cas, supportez ces fantastiques émissions de radio. Et bon, c'est tout pour moi cette semaine. Je vous reviens la semaine prochaine pour plus de musique subversive. Salut.